Continuons notre étude de l'évolution de la structure socio-professionnelle avec la tertiarisation de l'emploi. J'ai vu la structure de l'emploi se déplacer comme un continent fatigué, sans tremblement de terre spectaculaire, sans annonce officielle. Au XIXe siècle, le travail vivait encore dans les champs, puis il s'est enfermé dans les usines. Aujourd'hui, il s'est installé derrière des écrans, derrière des caisses de supermarchés, mais aussi derrière des blouses blanches et des tableaux de salle de classe. On appelle cela la tertiarisation, un mot savant pour dire une chose simple, de plus en plus d'emplois relèvent des services, pas des biens matériels, mais du commerce, du transport, du soin, de l'éducation, de l'administration, du conseil, du coaching. La production n'a pas disparu, elle a changé de forme, et surtout, elle a changé de lieu. En France, environ 3/4 des emplois relèvent désormais du secteur tertiaire. Cela ne signifie pas que l'industrie est morte, elle produit encore, mais elle emploie moins de travailleurs qu'avant. La société contemporaine continue de fabriquer des biens, mais elle emploie surtout des femmes et des hommes pour organiser, gérer, vendre, réparer, former et soigner. On ne produit plus seulement des objets, on produit des services, des procédures, des relations. J'ai connu Claude. Claude était ajusteur dans une usine de pièces métalliques. Un travail dur, précis, bruyant. Puis les machines ont changé, plus rapides, plus autonomes. On produisait autant, parfois plus, avec beaucoup moins d'ouvriers. Et puis il y a eu la mondialisation. Une partie de la production est partie ailleurs, là où le travail coûtait moins cher. L'usine de Claude n'a pas fermé brutalement, elle s'est vidée, lentement. Claude n'a pas cessé de travailler, il a cessé de produire des objets. Aujourd'hui, il est employé dans un centre de service d'un grand groupe. Il traite des dossiers, il suit des procédures, il vérifie que ce qui a été produit ailleurs circule correctement ici. Claude ne fabrique plus, il organise. Voilà la tertiarisation. Et juste à côté de Claude, j'ai rencontré Samira. Samira travaille dans un centre d'appel, casque sur la tête, script sous les yeux, objectif affiché au mur. Elle ne produit rien de matériel, elle gère des flux. Des plaintes, des rendez-vous, des retours et beaucoup de patience. La tertiarisation, ce n'est pas forcément un travail qualifié, ce n'est pas forcément un travail confortable, c'est un travail relationnel, administratif, cognitif dans les bureaux, les banques, les écoles, les hôpitaux, ou au contraire pénible et invisibilisé dans les services à la personne, la restauration, la grande distribution. Mais alors, pourquoi le tertiaire prend toute la place ? D'abord parce que l'agriculture et l'industrie ont appris à produire autrement. Les gains de productivité ont fait leur œuvre. Grâce aux progrès techniques, on produit aujourd'hui beaucoup plus, avec beaucoup moins de main-d'œuvre. Les travailleurs ainsi libérés ne disparaissent pas, ils se déplacent vers d'autres secteurs, principalement les services. Ensuite, parce que le niveau de vie s'est élevé. Quand les besoins fondamentaux sont satisfaits, la demande change. On réclame des soins, de l'éducation, des transports, des loisirs, des services à la personne. Le développement du tertiaire répond donc à une transformation de la consommation. On ne veut plus seulement posséder, on veut être pris en charge. Enfin, la tertiarisation est renforcée par le rôle croissant de l'État et des grandes organisations. L'État social crée de nombreux emplois dans l'enseignement, la santé et l'administration. Les entreprises, de leur côté, externalisent de plus en plus certaines fonctions confiées à des prestataires de services. La tertiarisation apparaît ainsi comme le produit combiné du progrès technique, de la croissance économique, et de la transformation des institutions. Beaucoup de retraités, agriculteurs et ouvriers notamment, voient dans cette tertiarisation un monde du travail plus confortable. C'est une erreur. La tertiarisation ne supprime pas la contrainte, elle la transforme. Moins de bruit, moins de graisse, mais plus d'objectifs, plus d'indicateurs, plus de contrôle invisible. La société tertiaire n'est pas plus douce, elle est plus abstraite. Et pendant que les biens continuent de circuler à l'échelle du monde, les humains passent leur journée à gérer d'autres humains.